Évidemment, tu rotes, tu peux aussi évidemment te masturber. Mais comme personne n'avait acheté. De quoi, qu'est-ce qui est abandonné? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Ah, t'es fibré, toi. Et ça a cramé. Ouais. Ah, les grosses bites. On n'a même pas fait un 2-3 prout, Adrien. Ouais, bah moi, 2-3 prout. Un, deux, un prout. Du coup, moi je dis 1, 2, 1, tu vois. Alors, j'ai l'air très intelligent. Commence. Tu recommences à faire des 2 là partout. Ika. Si, on t'entend. On t'entend, mais Ika fait de la merde. Mais tout ça pour aller baiser là. Oui, mais c'est presque la même chose. Mais non, mais on a déjà fait le prout. Coucou. Oui, c'est même le studio Respawn, hein, qui est, directement. Oui, enfin, tu peux le dire après. Bah ouais, donnez-nous plus. C'est ça, Adrien, je sais pas pourquoi. Il parlait de Star Wars Celebration plus que le 4 mai. Hein. Tu peux dire en mai, et puis. C'est en ligne, je crois, non? Ah non, c'est Anaheim. Non, tu fais pas toi. Pour dire, c'est pour nous dire à nous qui fait une transition et que c'est à nous de parler. Oui, alors le deuxième jeu, donc édité par Respawn, on rappelle d'ailleurs que Respawn, avant Fallen Order, ils étaient connus parce qu'ils ont fait. Oh merde, comment ça s'appelle ça? Commence par un A, je l'avais sur le bout de la langue juste avant. Apex Legends et la duologie. Comment ça s'appelle cette merde? De Titanfall. Et donc, ils sont plus habitués aux FPS. Au jeu d'action. Et donc le deuxième jeu, qui, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations dessus, presque rien, ce sera un FPS par Peter Hirschman, qui avait notamment d'ailleurs déjà travaillé dans Star Wars, parce qu'il avait travaillé sur Battlefront 2, mais celui de 2005. Donc voilà, un FPS, ils sont dans leur élément pour le coup cette fois-ci, donc ça devrait bien se passer. Oui, c'est un développement en interne, comme Fallen Order. Voilà. Ben c'est des soldats. Oui, j'ai pas compris. J'avais dit. Oui. C'est ça. Oh, le vieux, le vieux. Ouais. Serait drôle. On est en janvier. Okay. Putain, quel salaud! Il m'a fait piou dessus. Bah oui, nous aussi. Salut! Et un max de sexe, bien évidemment.